Chapitre 253. Les miracles, karamat, et les vertus des bien-aimés d'Allah, awliya. Allah Ta'ala dit, en vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte, et ils ne seront point affligés. Ceux qui croient et qui craignent Allah, il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie ultime. Il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Voilà l'énorme succès. Sourate 10, versets 62 à 64. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois. Sourate 19, versets 25 et 26. Son Seigneur l'agréa alors d'un bel agrément, la fit croître d'une belle croissance. Et il en confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit, « Ô Marie, d'où te vient cette nourriture ?» Elle dit, « Cela me vient d'Allah. » Il donne certes la nourriture à qui il veut, sans compter. Sourate 3, verset 37. Et quand vous vous serez séparés d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, réfugiez-vous donc dans la caverne. Votre Seigneur répandra de sa miséricorde sur vous et disposera pour vous un adoucissement à votre sort. Tu aurais vu le soleil, quand il se lève, s'écarter de leur caverne vers la droite, et quand il se couche, passer à leur gauche. Sourate 18, verset 16 et 17. 1503. Selon Abu Muhammad Abdurrahman, le fils d'Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhuma, les gens de la Soffa, partie de la mosquée du prophète, où vivaient les miséreux, étaient des gens pauvres. Or, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit un jour à leur sujet, « Celui qui possède de la nourriture suffisante à deux personnes, qu'il en prenne trois avec lui. Et celui qui possède de la nourriture pour quatre personnes, qu'il en prenne cinq ou six. » Ou des paroles identiques. De fait, Abu Bakr, radiyallahu anhu, en invita trois et le prophète, alayhi salatu wassalam, dix. Abu Bakr laissa ses hôtes chez lui et dîna chez le prophète, sallallahu alayhi wasallam, où il demeura jusqu'à la prière du Isha. Puis il revint chez lui à une certaine heure de la nuit. À son arrivée, sa femme lui dit, « Qu'est-ce qui t'a empêché de venir t'occuper de tes hôtes ?» Il lui dit, « N'ont-ils pas mangé ?» Elle répondit, « Ils ont refusé de manger ce qui leur était proposé avant ton retour. » Abdurrahman poursuivit, « Quant à moi, je me sauvais et me cachais, mais il, c'est-à-dire mon père, m'insulta en criant, « Imbécile !» Puis il dit à ses hôtes, « Mangez, et je ne vous souhaite pas bon appétit. Par Allah, je n'en mangerai rien. » Abdurrahman ajouta, « Par Allah, à chaque bouchée que nous prenions, la quantité de nourriture dans l'assiette augmentait, et ce jusqu'à ce que tout le monde fût rassasié. Si bien que le plat était plus rempli à la fin qu'au début du repas. » Voyant cela, Abu Bakr interpella sa femme. « Ô sœur des Bani Firas, que signifie cela ?»« Quelle joie ! La quantité de nourriture a triplé » s'exclama-t-elle. Abu Bakr en mangea donc en disant, « Ceci, c'est-à-dire le serment, m'a été inspiré par Satan. » Et il en prit une nouvelle bouchée. Après quoi il porta le plat au prophète, alayhi salatu wassalam, chez qui il demeura jusqu'au matin. Or, à cette époque, nous arrivions au terme d'un traité de paix entre nous, les musulmans, et une tribu ennemie. Nous fûmes alors répartis en 12 groupes avec un homme à la tête de chacun d'eux. Allah sait mieux que quiconque combien d'hommes se trouvaient dans chaque groupe, mais tous mangèrent de ce repas. Dans une autre version, Abu Bakr jura alors de ne pas toucher au repas. Sa femme puis ses hôtes jurèrent également de ne pas en manger ou de n'y toucher qu'après lui. Abu Bakr dit alors, « Ceci, c'est-à-dire le serment, m'a été inspiré par Satan, avant de demander que le repas soit servi et d'en manger, suivi en cela par ses invités. » À chaque bouchée qu'il prenait, la quantité de nourriture dans le plat augmentait. Il dit, « Ô sœur des Bani Firas, que signifie cela ? Quelle joie ! Il y en a plus qu'avant » s'exclama-t-elle. Ils en mangèrent donc, puis il porta le plat au prophète, alayhi salatu wassalam, qui, selon le narrateur, en mangea. D'après une autre version, Abu Bakr ordonna à son fils Abdurrahman, « Occupe-toi de nos invités, je me rends chez le prophète, alayhi salatu wassalam. » Et fais en sorte qu'à mon retour, ils aient terminé leur repas. Abdurrahman leur servit donc ce qu'ils avaient en les invitant à manger, mais ils lui demandèrent « Où se trouve le maître de maison ?»« Mangez donc » insista-t-il. « Nous ne mangerons pas sans la présence du maître de maison » lancèrent-ils. « Acceptez votre repas, car si à son retour vous n'avez pas encore dîné, mon père sera furieux contre moi » supplia-t-il, mais en vain. Abdurrahman poursuivit « J'ai alors su que mon père allait se fâcher contre moi. Je me suis donc caché à son arrivée. Il demanda, « Qu'avez-vous fait de vos invités ? » Une fois informé, il m'appela à deux reprises, mais à chaque fois je gardais le silence. « Imbécile !» lança-t-il. « Je te conjure par Allah de venir ici si tu m'entends. » Abdurrahman ajouta, « Je suis alors sorti en disant, « Interroge tes invités. » Il dit vrai. « Il nous a proposé à manger, » avouèrent-ils. « C'est donc vous qui avez voulu m'attendre. Par Allah, je jure de ne pas y toucher cette nuit, » lança-t-il. « Par Allah, nous n'y goûterons pas avant toi, » répliquèrent les autres. « Malheur à vous! Qu'avez-vous à refuser le repas que nous vous offrons ?» dit-il, avant de réclamer le repas et d'y porter la main en disant « Au nom d'Allah, quant au premier serment, il m'a été inspiré par Satan. » Il mangea donc, suivi en cela par les autres. Al-Bukhari et Muslim. 1504. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Il y avait dans les nations qui vous ont précédé des gens inspirés par Allah, muhaddathun. Or, s'il y a un homme inspiré dans ma nation, c'est bien Omar, ibn al-Khattab. » Al-Bukhari et Muslim selon la version de Aisha. 1505. Jabir ibn Samura, radiyallahu anhu, rapporte. Les habitants de Koufa se plaignirent à Omar ibn al-Khattab, le calife, de Sa'd ibn Abi Waqas, leur gouverneur, radiyallahu anhuma, qui fut destitué et remplacé par Ammar. Il prétendait que Sa'd ne dirigeait pas la prière convenablement. Omar le convoqua donc et lui dit « Ô Abu Ishaq, ces gens prétendent que tu ne diriges pas la prière convenablement. » Sa'd répondit « Par Allah, je ne dirigeais la prière qu'à la manière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sans rien en omettre. Ainsi je prolongeais la lecture dans les deux premières raka'at du Isha et je l'écourtais dans les deux dernières. » Omar dit « C'est bien ce que nous pensions de toi, ô Abu Ishaq. » Puis il dépêcha avec lui un homme ou des hommes à Koufa pour y interroger ses habitants. Ils ne laissèrent aucune mosquée sans en questionner les gens qui, de façon unanime, dirent du bien de Sa'd. Mais dans la mosquée des Bani Abs, un homme du nom d'Usama ibn Qatada et surnommé Abu Sa'da se leva et déclara « Puisque tu nous le demandes, alors sache que Sa'd ne participait pas aux expéditions militaires, ne partageait pas l'argent équitablement et ne jugeait pas entre les gens avec justice. » Sa'd s'exclama « Par Allah, je vais demander trois choses à Allah contre lui. Ô Allah, si ton serviteur a menti et ne s'est levé que pour être vu et entendu, alors prolonge sa vie dans la pauvreté et expose-le aux tentations. » Lorsque par la suite on interrogeait l'homme en question, il répondait « Je ne suis qu'un vieillard, exposé aux tentations et touché par les invocations de Sa'd. » Le narrateur Abdul Malik ibn Omer, en citant Jabir ibn Samura, ajouta « Quant à moi, je l'ai vu par la suite, les sourcils tombant sur les yeux à cause de la vieillesse. Il abordait les fillettes sur les chemins en les effleurant de la main. » Al-Bukhari et Muslim. 1506. Urwa ibn Zubair rapporte qu'Arwa bint Aus se plaignit à Marwan ibn al-Hakam de Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl, accusant ce dernier de lui avoir usurpé une parcelle de terre. Saïd répliqua alors « Moi, lui prendre une partie de sa terre, après ce que j'ai entendu du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam ?» On lui demanda « Et qu'as-tu entendu du messager d'Allah ?» Il répondit « J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wassalam, dire « Quiconque usurpe un empan de la terre d'un autre, portera cette terre à son cou le jour de la résurrection. » Marwan lui dit alors « Je ne te demande plus de preuves après ce que je viens d'entendre. » Saïd dit alors « Ô Allah, si elle ment, prive-la de la vue et fais-la mourir au milieu de sa terre. » Urwa ajouta, « En effet, elle ne mourut pas sans avoir perdu la vue. Alors qu'elle marchait sur sa terre, elle tomba dans un trou et succomba. » Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version de Muslim, Muhammad ibn Zayd ibn Abdillah ibn Omar rapporte qu'il la vit aveugle, palpant les murs pour se guider et répétant qu'elle avait été touchée par l'invocation de Saïd. Puis un jour, elle passa devant un puits, situé dans la terre à propos de laquelle elle avait accusé Saïd. Elle fit une chute dans ce puits, qui devint ainsi sa tombe. 1507. Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma relate l'histoire suivante. « La veille de la bataille d'Uhud, mon père m'appela et me déclara « Je sens que je serai parmi les premiers compagnons du prophète alayhi salatu wassalam à être tué. » Or, excepté le messager d'Allah, je ne laisse personne de plus cher à mes yeux que toi. J'ai une dette. Alors acquitte-toi-en et prends soin de tes sœurs. » Le lendemain matin, il fut en effet le premier à succomber. Je l'ai enterré avec un autre dans la même tombe, puis 6 mois après, répugnant à le laisser avec un autre, je l'ai déterré. Son corps était dans le même état que le jour où je l'avais enterré, à l'exception de l'une de ses oreilles. Je l'ai alors enterré seul dans une autre tombe. Al-Bukhari. 1508. Selon Anas, radiyallahu anhu, deux compagnons quittèrent la maison du prophète, alayhi salatu wassalam, par une nuit très sombre, avec devant comme deux lampes. Lorsqu'ils se séparèrent, chacun marcha avec cette lumière devant lui, et elle les accompagna jusqu'à leur domicile. Al-Bukhari. Rapporté par Al-Bukhari selon plusieurs chaînes de narrateurs, dont certaines précisent que les deux hommes étaient Usayd ibn Hudayr et Abbad ibn Bishr, radiyallahu anhuma. 1509. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, envoya 10 hommes en reconnaissance avec à leur tête Asim ibn Thabit al-Ansari, radiyallahu anhu. Arrivés à Al-Hada, entre Osfan et la Mecque, leur présence fut signalée à un clan de la tribu de Hudayl, surnommé les Banu Lihyan. Près de 100 archers furent alors dépêchés à leur poursuite. Sentant leur présence, Asim et ses compagnons se réfugièrent sur une hauteur. Le groupe ennemi les encercla et leur dit « Descendez et rendez-vous, vous avez notre assurance que personne parmi vous ne sera tué. » Asim ibn Thabit, radiyallahu anhu, dit alors « Écoutez-moi, en ce qui me concerne, je ne descendrai pas sur la simple promesse d'un mécréant. Ô Allah, informe ton prophète à notre sujet. » Les mécréants se mirent alors à tirer leurs flèches sur eux et tuèrent Asim, radiyallahu anhu. Croyant en leurs paroles, Khubayb, Zayd ibn Dathina et un troisième homme se rendirent aux mécréants qui leur lièrent les mains avec les cordes de leurs arcs. Le troisième homme dit « Celle-ci est la première de vos trahisons. Par Allah, je n'irai pas avec vous. Ceux-ci, mes compagnons morts, sont de bons exemples à suivre pour moi. » Ils le traînèrent et tentèrent de le contraindre à les accompagner, mais en vain. Alors ils le tuèrent. Ils prirent Khubayb et Zayd ibn Dathina avec eux et les vendirent comme esclaves à la Mecque. Cet incident eut lieu après la bataille de Badr. Or, au cours de cette bataille, Khubayb avait tué Al-Harith ibn Amir ibn Nawfal ibn Abd Manaf. Les membres de son clan achetèrent alors Khubayb, qui resta prisonnier chez eux jusqu'au jour où ils décidèrent de le tuer. Avant cela, Khubayb, radiyallahu anhu, emprunta une lame à l'une des filles d'Al-Harith pour se raser le pubis. L'un de ses fils en bas âge s'avança vers Khubayb sans qu'elle s'en rende compte. Soudain, elle l'aperçut assis sur la cuisse de Khubayb qui tenait la lame à la main. Elle fut tellement effrayée qu'il le devina à son visage. Puis il lui dit « As-tu peur que je le tue ? Je n'en ferai rien. » Plus tard, elle dira « Par Allah, je n'ai jamais vu de prisonnier comme Khubayb. Par Allah, je l'ai vu une fois manger une grappe de raisin qu'il tenait à la main alors qu'il était enchaîné et que la Mecque était alors dépourvue de fruits. C'est en fait une grâce qu'Allah avait accordée à Khubayb. » Quand ils le conduisirent en dehors du territoire sacré de la Mecque, le Haram, pour le tuer, Khubayb leur demanda la permission de prier 2 raka'a, ce qu'il fit avant d'ajouter « Par Allah, si ce n'était la crainte que vous pensiez que j'ai peur de la mort, je prolongerai ma prière. » Il ajouta ensuite « Ô Allah, compte-les un par un, tue-les tous et n'en épargne aucun. » Il récita ensuite ces vers « Il m'importe peu, tant que je meurs musulman. » De la manière dont pour Allah je vais mourir. Et ceci pour l'amour d'Allah qui, s'il le veut, les membres d'un corps lacéré, va bénir. » Khubayb fut ainsi celui qui institua pour chaque musulman condamné à mourir la coutume d'accomplir une prière. Le prophète, alayhi salatu wassalam, informa ses compagnons du martyre de Khubayb. Des gens de Quraysh informés de la mort de Asim, qui avait tué l'un de leurs chefs, envoyèrent des hommes rapporter une partie de son corps pour s'assurer de sa mort. Mais Allah envoya sur son corps un nuage de frelons qui le protégea de toute mutilation. Al-Bukhari. 1510. Ibn Omar, radiyallahu anhuma, a dit « Je n'ai jamais entendu Omar dire à propos d'une chose « je pense que c'est ainsi », sans qu'elle soit effectivement comme il le pensait. Al-Bukhari.